J'ai beau faire n'importe quoi, je vois bien que ça suffit pas. Être là ou pas, je ne peux pas changer tout ça. Je ne comprends pas, je suis toujours là comme ça. C'est n'importe quoi, je suis dans tes draps. Pourquoi? J'aimerais me taire, mais je n'arrive pas. Être seul sur terre et oublier ça. Ou prendre le train qui ne s'arrête pas. Mais surtout pas baisser les bras. Je ne comprends pas, je suis toujours là comme ça. C'est n'importe quoi, je suis dans tes draps.